Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Les élèves de la 9e qui ne réussiront pas au concours national et donnant accès au cycle post-fondamental ont d'autres alternatives. Les détails dans cette édition. Et certains propriétaires de constructions non conformes à la législation y relative se disaient prêts à démolir leur maison. Au ministère des Travaux publics, l'on signale que si ce n'est pas le cas, ces propriétaires se verront contraints de payer des dépenses y relatives. Vous entendrez le porte-parole de ce ministère. Et certaines femmes de la commune Issar de la province Bujumbura ont opté pour produire du moellon pour s'auto-financer. Elles affirment qu'elles ont un apport pour dans leur foyer. Voilà pour les titres. Albert Nduimana est à la cabine technique. Moïse Misago est à la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par la page éducation. Des alternatives s'offrent aux élèves qui échoueront au concours national de 9e année, comme par exemple solliciter le redoublement. Ce sont les déclarations du porte-parole du ministère de l'Éducation nationale ce vendredi au cours du débat de la gestion des résultats de 9e année. Djuma Edouard dément les informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état du calendrier de passation de l'Exeta édition 2019. Marie-Claire Kazeneza, reportage. Lors d'un point de presse de ce vendredi sur la gestion des résultats de l'examen national de 9e, le porte-parole du ministère de l'Éducation a déclaré que trois alternatives s'offrent aux élèves de 9e année fondamentale qui échoueront au concours national de certification et d'orientation. Ils peuvent soit solliciter le redoublement, soit s'orienter dans les centres d'enseignement des métiers, ou alors ils pourront se représenter dans les éditions ultérieures à des conditions qui sont précisé par un texte spécifique. À part cela, Djuma Edouard a annoncé que le programme de préparation de l'Exeta n'est pas encore mis en place, comme ça circule sur les différents réseaux sociaux. Je voudrais ici rappeler qu'au niveau du ministère, on n'a jamais utilisé ce canal pour envoyer les programmes des examens, des évaluations nationales. Jamais. Même si des textes peuvent circuler sur WhatsApp, c'est toujours après qu'on ait rendu public ces informations par voie officielle. Le porte-parole du ministère de l'Éducation appelle la population à la prudence de ces fausses informations et d'être patient. Ce ministère n'a pas encore annoncé la date réelle de passation de l'examen d'État édition 2019. Merci Marie-Claire Kazeneza. Toujours avec page éducation, l'annonce du ministère de l'Éducation nationale selon laquelle cela réussit au concours national sera considéré pour avancer au cycle post-fondamental est inquiétante. C'est du moins l'avis de David Ninganza, président du comité des parents à l'une des écoles de la capitale économique Bujumbura, qui trouve que cette décision pourra démotiver les apprenants. On l'écoute. C'est vraiment une ordonnance qui n'arrange pas les enfants, une ordonnance qui n'arrange pas les parents. C'est une ordonnance qui peut provoquer la délinquance des enfants. Je pense que l'évaluation se fait en classe durant toute la période de l'année scolaire. C'est l'enseignant qui évalue les enfants à travers les devoirs, les interrogations, les examens. Alors, quand on dit que les points en classe ne signifient rien, c'est-à-dire que la décision risque de minimiser l'éducateur, la décision risque de mettre en élève l'enfant qui va déconsidérer son enseignant, qui va déconsidérer sa ponctualité en classe, croyant que c'est le concours national qui va lui donner l'accès d'avancer dans le cycle supérieur. C'est vraiment une mesure qui peut nuire à la réussite. En plus de ça, vous avez entendu que les enfants qui ont échec en éducation ne peuvent pas continuer, chose qui est claire depuis d'ailleurs. C'est-à-dire que ces enfants risquent d'avoir des absences répétitives en classe, risquent de ne pas se présenter régulièrement à l'école. Pourquoi? Parce que l'évaluation en classe ne va pas l'empêcher qu'il réussisse ou pas de continuer dans la classe suivante. Je pense que la mesure va nuire et les enfants, et les éducateurs, et les parents. Parce que les parents aussi, nous aurons de sérieuses difficultés pour encourager nos enfants, pour pouvoir rester à l'école, rester ponctuels, et aussi les encadrer journalièrement. Parce que le concours se fait une seule fois. Mais l'évaluation en classe, c'est vraiment une action continue de la part des enseignants. Les éducateurs aussi, surtout les directeurs et les préfets des études, est-ce que croyez-vous vraiment qu'ils seront motivés pour voir combien des interrogations vous avez données, messieurs, combien de devoirs vous avez donné, messieurs, dans le cadre d'encadrer pédagogiquement et les enseignants et les enfants? Selon toujours son parent, avant la prise de cette décision, les éducateurs devraient être consultés. David Ninganza plaide pour la révision de cette décision. Encore une fois, on l'écoute. Pourquoi la mesure non consultée? Pourquoi ne pas impliquer les enseignants qui sont sur le terrain, les directeurs, pour pouvoir prendre une mesure sage et pacifique qui va profiter à tout le monde? Je pense que les enseignants, les directeurs, les parents, même les enfants qui n'épousent pas l'idée de, ou le contenu de l'ordonnance qui déconsidère les points en classe. Et d'ailleurs, vous avez entendu le porte-parole du ministère. Il n'a rien dit à propos des points que l'enfant a obtenus en classe. À quoi doit alors de faire l'interrogation, de faire le devoir? Ces enfants sont des adolescents. Je pense que vraiment la décision du ministre nécessite des amendements ou bien d'autres textes d'accompagnement dans le sens d'alléger. Vous n'avez pas Isangani Lo? Vous ratez l'essentiel. Certaines constructions qualifiées d'anarchiques sont cochées d'un signe de multiplication en rouge et en bleu. Ces marques s'observent dans les zones urbaines de Moussaga et Kanyosha au sud de la mairie de Bujumbura. Certains propriétaires de constructions concernées disent être prêts à les démolir, le point avec Ornella Mucho. Sur la route nationale numéro 7 menant vers Moussaga, on observe des signes de la croix indiquant les parcelles construites illégalement. Sur les kiosques rouges, l'on constate des croix de couleur bleue et cela, c'est à partir de la 2e avenue à Moussaga. Toujours dans cette zone, sur le boulevard Moutag 3, ces croix s'observent sur différents poteaux électriques, pancartes, ainsi que sur certaines clôtures des parcelles. Sur la route Rumongue, plus précisément dans la zone Kanyosha, les croix sont ces différentes kiosques et boutiques se trouvant à ce lieu. L'un des propriétaires de ces infrastructures avance qu'il n'y a pas d'autre choix que de démolir ces constructions. Le ministère des Travaux publics appelle les propriétaires de constructions qui ont dépassé les limites prévues de les démolir eux-mêmes. À défaut, le porte-parole de son ministère, Jeanne Mukenguruka, dit que si c'est le ministère qui s'en charge, les conséquences seront nombreuses pour eux, puisqu'ils vont supporter toutes les dépenses liées à ces travaux de démolition. Suivez. Il y a des gens qui construisent sur les différents réseaux électriques et même dans la prise de la route. Ça, nous le savons. Le ministère a averti ces gens à mettre des croix rouges pour qu'ils enlèvent eux-mêmes. Sinon, si le ministère vient pour détruire ou enlever ces constructions anarchiques, le propriétaire de ces maisons perd beaucoup car il doit payer tous les frais relatifs. C'est pour cela que je lance un appel vibrant à tous ceux qui ont construit sans respecter les normes de détruire eux-mêmes suivant les indications qui leur ont été données. Aux administratifs, de veiller à ce que les constructions se fassent dans le respect des normes et d'arrêter les constructions qui se font en violation des normes. Et certaines femmes de la commune Issare, province Bujumbura, qui font le travail de production du moellon, sont ravies du pas déjà franchi dans leur autonomisation grâce à ce travail. Elles précisent qu'aujourd'hui, elles sont capables de subvenir à certains des besoins de leur famille. Gilbert Nyonguru, administrateur de la commune Issare, dit que ces femmes ont compris qu'elles aussi ont un apport dans le développement de leur famille. Les détails avec Mireille Naomi Nitegeka. Ces femmes sont membres d'une coopérative de Kingilibidu Kikije à Inyarusagamba sur la colline Ewenga en commune Issare de la province Bujumbura. Elles travaillent dans un site d'extraction du moellon de carrière. Selon elles, il n'y a pas de travail réservé aux hommes seulement. Celle-ci indique que c'est pour combattre la pauvreté qu'elle a choisi ce travail. C'est parce que nous sommes affamés. Nous allons chercher de quoi nourrir nos enfants. Nous commençons 7h du matin pour terminer 14h. Au lieu d'aller voler, nous préférons plutôt utiliser nos forces. Nous travaillons 2 à 3 jours pour ce travail et les jours restants, nous faisons des tâches ménagères. Cette autre femme témoigne que grâce à ce travail, elle est en mesure de subvenir aux besoins de la famille. À la maison, si mon enfant tombe malade, je l'amène à l'hôpital sans problème. J'ai même acheté un animal domestique qui pourra m'aider dans mes besoins. Je contribue même dans les caisses de l'État parce que je verse des taxes communales. Vraiment, je me réjouis du pas déjà franchi. Mon enfant ne manque de rien. Je m'occupe de ses besoins scolaires. En tout cas, je ne me plains pas du tout. Sur ce, l'administration communale à Issade confirme que ces femmes ont compris qu'elles doivent être responsables de leur épanouissement. Gilbert Anionguru précise que ce travail fait par ces femmes diminue le niveau de la pauvreté dans les familles et contribue au développement communal par le biais des taxes. Ces femmes travaillent souvent des petits cailloux à les transformer en gravier et ces graviers sont souvent vendus aux entreprises de construction qui opèrent sur la capitale Bujumbura. Ce travail contribue beaucoup au développement des familles, surtout de ces femmes qui transforment ces cailloux en gravier car ils obtiennent de l'argent en pouvant être utilisé dans les activités procurant de l'argent à ces familles qui transforment ces cailloux en moellons. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, ces coopératives créent des taxes. Ces femmes d'Obenga appellent d'autres femmes à éviter toute paresse. Merci Naomi Mireille Nitegeka. Et pour boucler cette édition à 13h09, la victoire d'Algérie dans les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 ne peut étonner personne du fait que cette sélection a joué le football de qualité depuis le début de la CAN. C'est l'analyse des journalistes sportifs qui a suivi de près ces compétitions qui se sont déroulées en Égypte depuis le 21 juin. Evariste Ndikubanyanga fait savoir que le Sénégal a bien joué dans cette finale malgré la défaite. Suivez-les au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. La sélection algérienne, c'est une sélection qui s'est bien préparée après beaucoup d'années. C'est une équipe que j'ai vu très supérieure aux autres. Ils ont développé un football, je dirais, de l'Occident. L'équipe de l'Algérie, c'est une équipe qui a surpris plus d'un. C'est une équipe qui n'a pas perdu aucun match. Donc, c'est une équipe qui s'est bien préparée. Il y a les attaquants qui évoluent dans les championnats européens. Est-ce que nos équipes ont contribué beaucoup pour que cette formation soit remportée, cette victoire? Le fait que cette équipe ait des joueurs qui jouent dans des grands championnats en Angleterre, en France aussi, même en Turquie, ça aussi, c'est un atout qui a fait que l'équipe algérienne puisse gagner et cette coupe la deuxième de toute son histoire. Et qu'est-ce qui a manqué côté Sénégal pour remporter cette victoire? Côté Sénégal, tactiquement, c'était une équipe très forte, imbattable, une équipe qui n'a concédé que des buts durant toute cette CAN. C'est une équipe, je dirais, qui a manqué la chance. L'équipe qui concède un but à la deuxième minute de la partie est contre l'Algérie, mais vu combien la défense algérienne est très costaud, ça n'a pas été facile pour le Sénégal, même s'il a tenté deux fois de marquer un but, mais que le match s'est soldé sur le score d'un but à zéro en faveur de l'Algérie. La chance d'hier n'était pas pour le Sénégal, mais plutôt la chance était tournée vers l'Algérie. Côté arbitrage, l'arbitre du jour a refusé d'octroyer pénalty, ce qui a soulevé les lamentations. Et comme c'est lui qui a assisté au match, comment vous voyez cette pénalty? Le pénalty était juste dans le temps passé, puisqu'il n'y avait pas d'arbitrage vidéo. Mais vu la décision que l'arbitre a prise en deuxième temps, après avoir constaté que les bras du défenseur était collé au corps. Moi, je dirais que l'arbitre s'est bien comporté pour ne pas pénaliser l'équipe algérienne injustement. Et voilà, chers auditeurs, à 13h11, c'est par ici qu'il se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Albert Ndouaïo pour sa collaboration technique et passez un très bon après-midi chez vous. Tout de suite, la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Les réserves de devises s'épuisent de plus en plus, constate le journal Burundi Echo. Par conséquent, les importateurs font recours au marché parallèle, ce qui fait monter le taux de change. La valeur du billet vert arrive à un niveau jamais atteint, soit 1 dollar américain pour 3150 francs burundais, note ce journal, qui rapporte que l'échangeur évoque la demande en devises de plus en plus croissante comme principale cause de la volatilité du marché de change. La société civile dénonce une mauvaise gestion des devises, telle que soulignée par Burundi Echo, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques remet en question la gestion des devises. Cette organisation explique dans les colonnes de ce journal que les devises déjà rares destinées à l'achat des produits sensibles comme les médicaments, les produits pétroliers et les produits alimentaires ne devraient pas tomber dans les mains des privilégiés. Ce sont les mêmes devises qui alimenteraient les bureaux de change et le marché noir selon le LUCOM, martèle-t-il. Sur ces mêmes devises, NetPress se demande si on s'achemine ou pas vers l'abandon du dossier Interbank Burundi. Il y a quelques jours en effet, écrit ce journal en ligne, le torchon avait brûlé entre le ministère public et l'Interbank Burundi à propos d'un dossier de retrait $1,500,000 américains par des Congolais agents d'une banque basée à Uvira, dénommée Trust Merchant Bank. Pour cela, rapporte NetPress, le tribunal vient de décider de rouvrir les débats pour que la banque congolaise comparaisse dans la présente cause pour que l'Interbank Burundi produise l'autorisation de la banque centrale concernant les transferts en monnaie étrangère et pour que la banque centrale du Burundi comparaisse également et donne plus de précisions concernant les opérations bancaires au moment de l'entrée et de sortie de la monnaie étrangère. Selon des spécialistes des dossiers du genre cités par notre confrère, la décision du tribunal est une forme de repli tactique tendant à l'abandon de l'affaire. Il pense, sans risque de se tromper, écrit NetPress, que ce dossier ne reviendra plus dans les salles d'audience, une décision intelligente en somme, concluent les personnes contactées par la rédaction de ce journal en ligne à ce sujet. Des clients inquiets, ce n'est pas bon pour une banque, estime un économiste dans les colonnes du journal Iwacu. C'est Jean-Prosper Niyoboke, économiste et enseignant des universités, qui évoque l'impact d'une affaire en justice dans la relation banque-client. Pour lui, rapporte Iwacu, il est normal que les clients aient peur. Les relations entre une banque et ses clients se fondent sur la confiance, la stabilité et une image irréprochable de l'institution. Selon l'économiste, cité toujours par notre confrère, la première conséquence est une panique éventuelle qui pousserait les clients au retrait, au rapatriement de leur argent pour le placer vers d'autres banques plus stables. Et le journal Watch doit conclure cette analyse de l'économiste en montrant que cela pourrait aussi avoir des répercussions négatives, du moins par rapport aux opérations qui jusque-là étaient couvertes par les financements de la banque. Revue de la presse. Vers une fédération syndicale des enseignants, écrit le journal et la voix de l'enseignant, rapportant la réunion de deux jours à Kayanza, des représentants des syndicats des enseignants réunis au sein de la COSESONA, coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale. Seul on ne peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. C'est un adage qui a guidé les syndicats des enseignants pour initier des actions communes en faveur des enseignants, écrit toujours ce journal, évoquant en premier lieu la question de logement des enseignants. La deuxième préoccupation concerne la solidarité entre les enseignants. Notre confrère note que le souhait des représentants syndicaux est que désormais il n'y ait plus d'enseignants qui soient privés de soins de santé, même à l'étranger. Née au départ pour venir en aide aux populations victimes des aléas climatiques, la COSESONA en sigle a aussi contribué pour les enseignants et les enfants qui avaient besoin d'aller se faire soigner à l'étranger, explicite son journal, se référant à une expérience des enseignants burkinabés, la coalition demande aux enseignants de contribuer mensuellement à raison d'une petite somme de 500 francs burundais pour venir en aide aux enseignants qui ont besoin de se faire soigner à l'étranger. Une somme dont la gestion est à déterminer dans les jours à venir, note la voix de l'enseignant. Régis Desaux, autopsie d'une société au bord du gouffre, titre en blogueur Yaga qui note que même si la Régie des eaux enregistrerait une sous-consommation électrique, par rapport à sa production, on y croit savoir que cette compagnie se porte à merveille et le taux d'électrification du Burundi enviable. Notre confrère répond par la négative, car de l'aveu même du ministre de l'énergie et des mines, elle vivrait au contraire ces mauvais jours, écrit son confrère. Et c'est la fin de cette revue de presse présentée par Eline Bel-Nibigira et Mireille Kanyange. Agréable week-end à tous, à la prochaine.